Et, ah, avec les nuits plus fraîches, je l'ai dit tantôt, hein, on sent que la rentrée et l'automne arrivent et justement les chroniqueurs reprennent du service. Raymond Poirier, qui est chargé de communication à l'Institut de technologie de l'information et société, est avec nous. Allô Raymond. Bonjour Tania. De retour après un été peut-être moins chargé, mais là, qui redevient chargé. Il y a quand même eu aussi un petit peu d'actualité qui a bougé au cours de l'été. Toujours des thématiques qui deviennent de plus en plus incontournables. Et notamment, je me suis dit, on va revenir dans le bain avec une thématique qu'on a déjà explorée un peu, qu'on va sûrement explorer à nouveau parce que, comme je le disais, ça devient de plus en plus incontournable. C'est physiquement impossible de passer à côté. Et c'est une thématique extrêmement large. C'est celle des villes intelligentes. Mais oui, Québec est passé proche d'être la ville la plus intelligente. Et parallèlement, il y en a plein d'autres qui se préparent et qui veulent devenir de plus en plus intelligentes, comme Québec aussi, on l'imagine, souhaite le devenir de son côté. Et notamment, je disais que l'actualité n'avait pas arrêté parce qu'en juillet dernier, c'est la Commission européenne qui a fait une très, très grosse annonce, qui a annoncé un budget important pour les prochaines années, jusqu'en 2017 pratiquement, pour essayer de bonifier l'initiative, la recherche, la mise en place d'éléments intelligents, d'équipements intelligents à l'intérieur des villes. Et on parle, enfin, il y avait déjà un programme qui existait depuis 2011 qui finançait des projets européens à la hauteur d'à peu près 81 millions d'euros. Ce qui est quand même pas rien, en fait. Quand on fait la table de multiplication vers des dollars, ça donne beaucoup de dollars, beaucoup de millions de dollars, mais c'était pas suffisant. C'était pas jugé suffisant, considérant l'importance que ce dossier-là est en train de prendre et considérant que on dit de plus en plus que l'avenir passe par les villes. En fait, la majorité de la population mondiale vit dans des villes. Faut trouver les moyens de les rendre plus viables pour la qualité de vie, pour l'environnement, et donc l'intelligence vient un peu là-dedans. Et donc, on parle d'investissements qui vont monter à partir de 2013 à la hauteur de 365 millions d'euros à chaque année jusqu'en 2017. Et là, on n'a plus que doublé le budget, là. On n'a plus que doublé le budget. L'idée, c'est vraiment là de mettre de l'avant et d'exploiter au maximum et d'explorer aussi le potentiel des technologies intelligentes et innovantes. Ce qu'on dit, c'est que c'est un potentiel qui, pour l'instant, est limité par notamment les risques technologiques élevés, les retours sur les investissements qui sont incertains, les obstacles réglementaires. Donc, on a fait la réflexion que c'était pas possible de laisser le développement exister par lui-même, en fait, de laisser le marché amener un peu tout ça, de laisser les administrations publiques sans nécessairement assez de support autour de ça, mais vraiment d'injecter de l'argent public et de l'argent dans leur cas qui est continental pour essayer de créer des initiatives. Par contre, on dit, ben justement, faut que ça soit des initiatives intelligentes. Faut pas que ça soit seulement l'initiative d'une ville, mais faut que ça soit l'initiative d'un groupe de villes. Et qui plus est, les initiatives qui, exemple, sont développées à Nice ou à Paris, mais faut qu'ils soient aussi applicables à Berlin ou n'importe où ailleurs dans l'Union européenne. Donc, c'est vraiment pour, à terme, avoir une brochette, une offre de services continentale où les villes pourront aller piger avec des projets qui auront été développés grâce à de l'argent européen avec des partenaires européens. Mais c'est un peu d'agrandir le principe de base parce que dans la notion de ville intelligente, on a aussi les données ouvertes, par exemple, que le plus de gens aient le plus accès à de choses. Donc, on essaie de prendre ce principe-là et on l'étale aux villes entre elles. Exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle un peu l'innovation ouverte. Donc, dans la mesure où c'est pas nécessairement de l'innovation propriétaire, mais plutôt d'amener et d'aider des gens, des villes, des entreprises aussi, on s'entend, à développer des produits. Évidemment, ce qu'on imagine aussi, c'est que les produits par la suite seront pas gratuits pour l'application des villes, mais à tout le moins, il y aura des frais de recherche et développement qui seront très, très moindres. Et il y a déjà des projets qui sont en place. J'en ai trouvé quelques-uns. J'ai trouvé d'autres projets aussi qui sont peut-être un peu en marge ou en parallèle ou aux côtés de ces projets-là, parce que je trouve toujours ça intéressant, en fait, de se prendre quelques moments à la radio pour se lancer des idées, voir un peu qu'est-ce qui a été réalisé dans d'autres villes. Et souvent, en fait, moi, je trouve que ça nous allume, ça nous dit, ben, effectivement, on pourrait peut-être développer quelque chose de similaire chez nous. Notamment à Paris, à Place de la Bastille, ce qu'on appelle une espèce de mobilier intelligent, un concept d'abribus intelligent pour connecter les voyageurs au réseau de transport. Donc, c'est tout simple, dans le fond. C'est probablement déjà existant à quelque part, je peux pas croire. Mais donc, l'idée, plutôt que d'avoir une publicité sur le côté de l'abribus, eh ben, qu'on ait plutôt un écran intelligent à partir duquel on peut naviguer à l'intérieur l'intérieur d'une application, d'un logiciel qui nous donne l'information sur les parcours, sur les autobus, sur les prochains autobus qui vont passer à cet arrêt-là, sur leur destination, etc. Mais on le fait dans les centres commerciaux. On a un grand écran. On dit à quel magasin on veut aller. Ça nous dresse le trajet. Il me semble que c'est encore plus pratique à un arrêt d'autobus que dans un centre commercial. Et surtout que de plus en plus, les autobus sont sur GPS. Il y a un certain, si on permet l'anglicisme, tracking qui est fait de par les bureaux chefs. Il y a des applications iPhone, iPad qui existent également dans certains lieux. Déjà un chronométrage. Donc l'idée, c'est de trouver des appareillages pour le rendre disponible. Et parallèlement, oui, il y a peut-être une part de budget publicitaire qui peut être perdu si on utilise ces panneaux-là pour autre chose que de la publicité. Mais par contre, qui dit panneau électronique dit intégration possible aussi de publicité. Finalement, on n'y perd pas tant que ça. C'est un exemple. Un autre aussi, imaginons, mettons, on est à Limoilou, ici à CKRL, imaginons qu'on aurait donc un panneau interactif qui permette d'appréhender le quartier. Donc, autant pour les citoyens que pour les non-citoyens du secteur, on arrive dans un endroit, on se demande un peu, comme ton parallèle du centre d'achat était assez juste là-dessus aussi. Donc, je vais le reprendre. Imagine ton quartier comme étant un centre d'achat. Donc, on sait pas toujours quand on arrive ou même quand ça fait un bout de temps qu'on est là, c'est quoi les commerces, ils sont où, comment s'y rendre, les trajets à préconiser. Ça change rapidement aussi dans un quartier comme Limoilou. Juste la 3e avenue, les commerces, c'est malheureux, mais changent assez régulièrement dans le même local. Exactement. Donc, des fois, ça devient difficile à suivre. Alors, l'idée qu'eux ont eue, c'est de faire un espèce de panneau qu'ils ont mis dans un centre névralgique d'un secteur, d'un quartier. Et donc, les gens peuvent s'y rendre, peuvent naviguer à l'intérieur d'une représentation à 360 degrés du quartier. Ils ont disponible l'offre de services en commerce, en institution, loisirs et autres. Donc, ils peuvent aller ensuite cliquer dans les éléments du menu et voir où aller pour faire tel élément, pour découvrir tel commerce, pour se rendre à telle institution, etc. Tout simplement. Donc, c'est un outil ultra pratique et on n'a pas besoin de traîner son iPad, son téléphone intelligent, son ordinateur. On y va et on a accès. Exactement. Et j'imagine, en fait, que c'est des initiatives qui peuvent aussi être rendues un peu dématérialisées avec, justement, des applications. Mais ça devient intéressant et important d'avoir un accès physique à ça. Un ancrage. Et évidemment, il y a toujours possibilité aussi de dématérialiser ça. Je pense à la ville de Vancouver. En fait, ça me fait penser. Eux, ils ont fait un système qui appelle les V-poles. Donc, on passe à côté de ces poteaux-là. C'est des poteaux qui éclairent le passant avec des lampes d'ailes, donc évidemment qui détectent qu'il y a quelqu'un qui est là. Les poteaux offrent une connexion Wi-Fi pour Internet, un relais de téléphonie mobile aussi, une borne de rechargement pour véhicules électriques, etc. Donc, on passe à côté, ça s'illumine, on est relayé de borne en borne sur Internet, donc ce qui fait qu'on a une connexion presque continue, il n'y a pas de coupe. Et en plus, ben, on peut rester donc dans la sphère urbaine. Et ils ont pensé qu'éventuellement, il y aurait des véhicules électriques. Donc, ça peut être intéressant d'avoir des bornes si on veut favoriser les automobiles hybrides. Donc, c'est à Vancouver. C'est pas si loin, dans le fond. Non, quand même. Et d'ailleurs, à Paris, on fait un projet un peu dans le même genre, des potelets balises à mémoire de forme lumière qui permet d'accroître la visibilité des points dangereux. Donc, eux, ils ont identifié des lieux difficiles, que ce soit au niveau circulation nocturne, que ce soit au niveau sécurité. Et donc, l'idée, c'est que c'est pas des lieux qui seraient nécessairement éclairés. Et parallèlement, on imagine que ça va permettre à terme de diminuer l'éclairage aussi dans certains autres secteurs parce que c'est un éclairage qui est intelligent, donc qui est en mesure de percevoir qu'il y a un mouvement qui s'allume, qui détermine les parcours, qui rappelle qu'il y a quelqu'un qui est en train de circuler là si on passe en automobile, qui crée un certain sentiment de sécurité si on y passe le soir et qu'il y a des craintes, etc. Donc ça, c'est aussi le genre d'initiative qui peut être développée. Mais c'est fou comment, à chaque fois que tu nous en parles, l'Europe, pour ce qui est de l'économie d'énergie, est beaucoup plus avancée que nous. Et c'est sûr que nous, on s'est toujours fait dire qu'au nord, on a nos gros barrages, on est plugué directement dans l'électricité. Je peux comprendre qu'on a moins cette notion-là d'économie d'énergie, mais l'Europe est vraiment très avancée et des initiatives comme ça, c'est vraiment génial. C'est des initiatives qui sont extrêmement inspirantes. Cela dit, on s'avance aussi tranquillement de notre côté. On parlait de stationnement intelligent, d'éclairage intelligent. Il y a un professeur à l'université qui est chercheur au Centre d'optique photonique et laser, Simon Thibault, qui lui travaille toujours, j'imagine, à des stationnements intelligents. Donc, l'idée que le stationnement, quand on arrive, s'allume et qu'on a notre trajet, dans le fond, qui est prédéterminé, donc qui nous permet d'aller se stationner. Donc, ça se recherche quand même ici. Ouais. Et c'est pas nécessairement, comme tu dis, les mêmes projets non plus qui sont mis de l'avant, qui sont priorisés, les belles avancées qui sont faites ici. Mais effectivement, les problèmes énergétiques vont venir en Europe en premier. Parallèlement, d'ailleurs, ça amène même au niveau des... Et ça, je l'aimais bien, celui-là, c'est dans le coin de Nice. Eux, ils ont identifié, ils se sont posé la question au niveau de la circulation, du trafic. Donc, évidemment, tout ça génère de la pollution, du bruit, etc. Donc, on veut diminuer le trafic dans les villes. Et eux, ils se sont demandé qu'est-ce que les gens font dans le trafic. Et ils ont remarqué que à peu près 20 à 25% du trafic, en moment où c'était des heures de pointe, c'était des gens qui cherchaient à se stationner et qui se déplaçaient de coin de rue à coin de rue, qui cherchaient inlassablement un stationnement. Et ce qu'ils ont remarqué parallèlement, parce que là, ils se sont dit, mon Dieu, est-ce qu'il y a assez de stationnement? Donc, ils ont fait l'examen et ils ont remarqué qu'à peu près en tout temps, en moyenne, dans le centre-ville de Nice, il y avait toujours 8% des stationnements qui étaient disponibles. Évidemment, la question, c'est de les trouver. Ouais, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Et donc, eux, ils ont décidé de faire une zone de test où il y aurait plusieurs centaines de stationnements qui sont dotés de capteurs en mesure de déterminer si la place est libre ou non. Donc, il y a un capteur, il voit s'il y a une auto. Si le capteur est bouché, il y a une automobile. S'il n'y en a pas, le stationnement est libre. Donc ça, cette liberté-là de stationner est relayée à une application qui s'appelle Easy Park, qui offre aussi un guidage vocal jusqu'à la place de stationnement qui aurait été trouvée. C'est pour Nice, hein? Donc c'est, Nice. C'est en anglais, évidemment. Évidemment. Et parallèlement, ce qui est encore plus amusant et plus intéressant, c'est que une fois qu'on a trouvé la place de stationnement, pas besoin de parcomètre. On paie directement avec cette petite application-là notre place de stationnement. Et pas besoin non plus de retourner au parcomètre. Si ça prend plus de temps que ce qu'on avait prévu, on peut payer à distance notre renouvellement de place de stationnement. Mais c'est fabuleux. C'est fabuleux, mais inversement, si on le fait pas, il y a une petite alerte qui arrive directement aussi, à peu près en même temps, okay, au ouais. service de police qui dit « Hey, tel stationnement, il y a amende à avoir parce que là, il est utilisé, mais il est plus payé. » Donc, il y a un petit jeu là-dessus, mais c'est absolument intéressant au niveau de l'efficacité des déplacements en ville pour rendre les centre-ville conviviaux, effectivement, c'est le genre de mesure qui peut être mis de l'avant. Bon, j'imagine à Québec, c'est peut-être un peu moins à propos de par la géographie et le reste, mais dans une ville comme Nice, peut-être comme Paris, peut-être même Montréal, ben, ça peut être des idées intéressantes à préconiser. Mais juste d'analyser pourquoi il y a du trafic. Juste essayer de comprendre pour le régler. Déjà là, juste ça, c'est très bien. Oui, et même on peut pousser un peu plus de l'avant, parce qu'il n'y a pas juste les autos sur la route, Tania. Mais il y a qui donc? Il y a des cyclistes. Ah, c'est vrai, ça. Et ça, c'est en Californie, en fait, la ville de Pleasant Town, ont installé ces carrefours des radars capables d'analyser le flux de véhicules, de faire la différence entre des voitures, des camions, des vélos, des piétons, en fonction de leur forme et leur vitesse d'approche. Et donc, grâce à ce dispositif-là, Pleasant Town est en mesure d'anticiper le passage à la lumière verte pour les cyclistes, allonger ce temps pour les laisser passer et traverser sans danger. Donc, ils voient ce qui arrive et ils ajustent en fonction du trafic qui est en train d'arriver au carrefour. Il y a juste les lumières pour que ça soit constamment le plus fluide possible. Autre exemple, en Autriche, et là on reste avec les cyclistes, eux, ils ont décidé de développer une application spécifiquement élaborée pour les cyclistes. Donc l'idée, c'est que tu vas aller d'un point A à un point B. Quand c'est les premières fois, tu le connais pas le meilleur chemin. Surtout si tu l'as jamais fait, tu le connais encore moins. Il y a peut-être des fois des déplacements qu'on fait seulement une fois, deux fois par année. Donc, ce qui se passe, c'est que l'application est en mesure d'optimiser le trajet en privilégiant les pistes cyclables, les rues secondaires résidentielles. Également, il peut faire un parcours d'intérêt, donc pour t'amener d'un point en point en point. Et toujours, donc, dans l'optique, pas nécessairement du moindre effort, mais de la plus grande sécurité et du moins de déplacements inutiles aussi. Donc, il dit, ben, OK, tu restes sur cette piste cyclable-là, mais ici, tu vas sauver 5 minutes si tu passes par telle rue. Après ça, tu reprends telle piste, tu poursuis, puis là, tu t'en vas à ton point A. Pour éviter les côtes aussi, j'imagine qu'on doit donner lequel est le moins incliné, oui. Des trucs comme ça. Et ça, c'est des applications qui existent de plus en plus, les idées de marchabilité. À Québec, il y a le CIRIS, centre de recherche qui est spécialisé en réadaptation, qui, pour les personnes à mobilité réduite, donc personnes âgées, personnes qui ont difficulté à marcher, dans le fond, au bout du compte, pour différentes raisons, eh ben eux, sont en train de monter une application qui va être en mesure d'évaluer la marchabilité du centre-ville de Québec. Donc, avec le moins de côtes possible, avec le moins de rues importante à traverser, donc un trajet qui est sécuritaire, qui est simple entre deux points, mais à pied. Donc, c'est, et on pourrait continuer comme ça longtemps. Ben écoute, je suis ultra motivée. J'ai envie d'aller chercher toutes ces applications-là. Non, mais c'est quand même c'est motivant de savoir qu'il y a des gens qui se penchent là-dessus pour essayer de nous rendre la vie la plus simple. Mais tu parlais d'enrayer le trafic. Oui, on arrive à la maison après peut-être moins agressif, mais il y a aussi toute la notion écologique que je trouve vraiment intéressante parce qu'on sait qu'on est à moins une là, pour ce qui est des gaz à effet de serre. Donc, juste de penser qu'une application comme ça peut nous faire sauver beaucoup d'émissions de gaz, c'est génial. Et la petite dernière, avant de se laisser tenir. Une petite dernière. Les taxis. En fait, on se déplace en taxi d'un point A à un point B, mais le taxi, lui, il a d'aller à un point B à un point C pour aller chercher une autre course. Et donc ça, c'est une application qui s'appelle TaxiBack qui a été mise de l'avant. Et donc l'idée, c'est de pouvoir rentabiliser ce segment de course à vide et de l'offrir à rabais. Donc, il y a des gens qui ont l'application, ils indiquent à quel endroit ils veulent aller. Et s'ils sont sur le chemin d'un taxi qui s'en va, lui, à un autre point de chute, mais le taxi a une alerte, c'est signalé, ils rentrent, ils font un petit bout de chemin avec le taxi, ils paient un tarif à prix réduit, eux poursuivent leur chemin, le taxi prend sa course. Et on, j'imagine qu'il ne faut pas être trop pressé, là, mais faut être chanceux. C'est pratique, ouais. Mais dans des villes où il y a beaucoup de taxis, ouais. Ça peut encore là être extrêmement intéressant. Oui, vraiment. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Est-ce que les chroniques se retrouvent encore sur le site Internet? On est en petit changement de site web, donc ils vont se retrouver d'ici une semaine ou deux. Là, ils sont déjà les anciennes, évidemment, mais les prochaines vont s'y retrouver très prochainement là, sur le site de l'ITIS, itis.ulaval.ca. Raymond Poirier, merci beaucoup. Alors, c'est reparti. On se retrouve à toutes les semaines, à tous les lundis, pour parler de technologie de l'information, puisque tu es chargé de communication à l'Institut technologie de l'information et société de l'Université Laval.